lors d'une soirée, j'ai bu 5 verres, standard, d'alcool en une heure. Pour redescendre à 0,50 g par litre de sang, j'attends au moins 2 heures, réponse A, 5 heures, réponse B, 10 heures, réponse C.